tongs, j'aime pas les tongs, j'aime pas les matelas sans sommier. J'aime pas le sport, j'aime pas la mort, j'aime pas dormir sur le canapé. J'aime pas la route, ouais la mazout, j'aime pas l'odeur des hôpitaux. J'aime pas les jeux, j'aime pas les gens, mais j'aime pas les jeux d'argent. J'adore embrasser ma femme et mon chien. Alors je me précipite vers le frigo. Et là, qu'est-ce que je trouve caché entre le ketchup et le gigot? La crème aux œufs. Franchement, c'est vraiment dégueu. Pourtant j'ai déjà dit que j'aimais pas la crème avec les œufs. Mais faut vraiment être con. Faut vraiment être con pour faire de la crème avec des œufs. Je vous ai déjà dit, pourtant j'aime pas les cons. J'aime pas les cons. J'aime pas les cons. J'aime.